Mathieu, bien ou quoi? Ouais, tranquille et toi? Bah nickel, nickel. Tu viens quoi toi? Bah moi, toujours pareil, un mio, dans le Pura, voilà quoi. Dans le Pura? Ah mais je savais pas que t'avais viré à Kay toi. T'es, mais qu'est-ce que tu dis? Stéréotype, t'es mains un peu, on est imagé, catalogué, stéréotypé par tous. De quoi ont-ils peur? Douce France, n'aie pas peur, je suis juste rappeur. Stéréotype, t'es mains un peu, on est imagé, catalogué, stéréotypé par tous. De quoi ont-ils peur? Douce France, n'aie pas peur, je suis juste rappeur. Ma vie est entourée de stéréotypes. Quand je dis que je rappe, on me dit que je suis un sale type. Parce que pour toi, un gars qui paiera, c'est une caïra. Parce que mon look à casquette te fait croire que je raquette, que je te fournirai en shit ou cigarette. Allez, arrête! Quoi? Même un petit bout de shit? Bah non! Je rappe et tu me demandes combien de voitures je crame, dans quelle cité je traîne et la marque de mon gun. Trop d'idées reçues à cause de beaucoup qui m'ont déçu. T'as vu? Rien d'un gangster, pas là pour plaire. Je suis juste moi-même, LER, rappeur originaire du SUD. Ma ville n'a rien de Paris, mais je prends le pari de défier tous ceux qui ont ces sales a priori. J'ai simplement le rap dans le sang et loin des millions de mythos, mais trop près des gros cons de Mio. Stéréotype, t'es mains un peu, on est imagé, catalogué, stéréotypé par tous. De quoi ont-ils peur? Douce France, n'aie pas peur, je suis juste rappeur. Stéréotype, t'es mains un peu, on est imagé, catalogué, stéréotypé par tous. De quoi ont-ils peur? Douce France, n'aie pas peur, je suis juste rappeur. Stéréotype, je suis juste rappeur, pas braqueur. J'ai jamais fait de banque, un peu voleur, car dessous je manque, pas dessous je prends. Mais rien de bien méchant, esquivant les vigiles, tu crois aussi que je dis? Bah ouais. Ma seule drogue, c'est mon rap, et pas prêt d'arrêter. C'est durable et à tester, mais pas à tester. Attention, et attention, ce morceau pour tous ceux qui critiquent ces tics, ces styles qui décrivent comme hostile. Alors que le double H est pacifiste à la base. Je te rappelle le slogan Peace, Love and Unity. Pas besoin de traduction dans le fond. Mon doigt dans le fion à ceux qui pensent le contraire. J'avoue, un peu vulgaire, faut s'y faire. Mais rien d'un grand délinquant, déglinguant les fils, mais quand ils le méritent. Stéréotype, t'es mains un peu, on est imagé, catalogué, stéréotypé par tous. De quoi ont-ils peur? Douce France, n'aie pas peur, je suis juste rappeur. Stéréotype, t'es mains un peu, on est imagé, catalogué, stéréotypé par tous. De quoi ont-ils peur? Douce France, n'aie pas peur, je suis juste rappeur. Alors évidemment, des fois je bois, trop de fois je vois mon voix qui me crie stop, mais rien de dramatique. Je vis pour ma musique et c'est rare que je dise nique la police, même si eux aussi sont les premiers à avoir ces sales a priori. Stéréotype, mais la faute à qui? Les MC font les beaux, mais au final n'ont rien compris. Idées reçues, mauvaise image, comme Canal Plus, on critait en plus. J'en suis crispé, trop critiqué. J'suis pas un gars toujours sage, mais comprends le message. Rappeur ne rime pas avec carnage. Alors bien sûr, beaucoup jouent les durs, et cela raconte, et je suis contre. Non, tu comptes, petit texte pour régler mes comptes envers cette société qui, d'après moi, est vraiment trop stéréotypée. Type, t'es mains un peu, on est imagé, catalogué, stéréotypé par tous. De quoi ont-ils peur? Douce France, n'aie pas peur, je suis juste rappeur. Stéréotype, t'es mains un peu, on est imagé, catalogué, stéréotypé par tous. De quoi ont-ils peur? Douce France, n'aie pas peur, je suis juste rappeur. Stéréotype, hein? T'es mains un peu, gros. On est imagé, catalogué, stéréotypé par tous. Allez, salut.